shot, je l'ai plus là. Sounds good, could be a little louder. Je suis en mode test, alors je risque d'être vite casse-couille. Je vais essayer de brancher ma batterie en MIDI. Mais j'ai pas tous les sons. J'entends même plus le métronome. Et là, il me pète les oreilles. Alors, est-ce qu'on peut balancer un rythme ?